Sur la Radio Parfaite, dans l'émission Les Experts, David Christoffel reçoit aujourd'hui Alexandre Drapitsky autour de l'ouvrage collectif Le concerto pour piano français à l'épreuve des modernités, paru aux éditions Actes Sud, Palazzetto Bruzane. Thank you. Le dernier mouvement du 15e concerto de Mozart. Bonjour Alexandre Advitsky. Bonjour. Vous avez, vous, choisi cet extrait précisément parce qu'il demande une certaine dépense de la part de l'interprète, ce qui suppose un souci de spectacle, de virtuosité. Mozart a écrit à son père que ce concerto numéro 15 et celui qui suit, le numéro 16, sont des concertos qui font transpirer. Et il faut comprendre par là que c'est des œuvres qu'il a écrites quand il arrive à Vienne pour se faire valoir en tant que pianiste brillant, pianiste virtuose. Et donc on est là dans l'enjeu même du concerto, à savoir de se mettre en valeur et de se faire valoir avec tout son potentiel. Et ça veut dire quoi musicalement ? Alors musicalement, c'est le problème de ce genre du concerto à qui on a reproché parfois une certaine vanité ou disons une gratuité de l'effet. Ça veut dire qu'on développe des passages de difficulté qu'on appelle des traits, et ces traits de virtuosité deviennent parfois kilométriques. Et je pense que ce qui fait la différence entre le bon compositeur de concerto et celui qui est plus à la peine, c'est justement sa capacité à gérer la virtuosité, la difficulté à faire vraiment entendre la question des tris, des croisements de mains, des arpèges, toutes ces difficultés très variées au piano, et pourtant de continuer à écrire, à développer un travail thématique intéressant. Et c'est vrai que Mozart, Beethoven sont les grands exemples classiques de cette qualité de travail où la partie pianistique est difficile et intéressante par ses difficultés, mais où l'orchestre continue à superposer au trait du piano des motifs, des mélodies que l'auditeur perçoit et dont il perçoit aussi le travail de développement. Ce qui suppose aussi une prise en charge des différentes couleurs et sonorités de l'orchestre spécifique, plus poussée, plus subtile. Alors c'est vrai, c'est pas étonnant que les concertos les plus intéressants sont aussi ceux dans lesquels l'orchestration est la plus travaillée. D'ailleurs, le petit clin d'œil à ce mouvement de Mozart qu'on vient d'entendre, c'est que jusqu'au concerto numéro 15, Mozart n'avait utilisé que les hautbois, bassons et cors dans ses concertos pour piano. Et à la même époque où il compose ce 15e concerto, il est en train d'écrire son fameux quintette pour vent et piano. Et on le voit en train de découvrir des nouvelles combinaisons piano et vent. Et dans ce concerto, vous l'avez peut-être entendu par moment, il y a une flûte uniquement dans le final, ce qui est rarissime chez Mozart, c'est-à-dire l'ajout d'instruments en cours de mouvement. Et donc dans ce 15e concerto, à partir de ce 15e concerto, on a vraiment un soin porté aux instruments à vent qui va ensuite aller jusqu'à l'adjonction, par exemple, des clarinettes dans les concertos numéro 22, 23, 24. Et alors, passé le cas Mozart, quand on entre dans le 19e siècle, les questions de forme, d'enjeux, de virtuosité vont se poser de façon différente en Allemagne et en France? À propos du concerto pour piano en particulier, parce que en France, on estime que le piano est un instrument peu sonore et donc peu propre à être entendu dans des grandes salles de concert. Et c'est sans doute aussi une différence entre les salles, sans vouloir généraliser un peu caricaturalement, mais entre les salles parisiennes et les orchestres parisiens et les salles allemandes, germaniques, on va dire, puisqu'en France, on a des orchestres énormes, la Société des concerts du conservatoire, qui ne s'appelle alors que les exercices du conservatoire. À un orchestre de plus de 80 personnes, pareil au concert de la rue de Grenelle, de la rue de Cléry. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que dans des concertos classiques, un pianoforte de cette époque-là ait du mal à lutter contre 80 instruments. Et donc, jusqu'à la fin du Premier Empire, jusque vers 1815, on n'a pas du tout en France le goût du concerto pour piano comme on l'a notamment dans les pays germaniques. Dans votre livre, Le concerto pour piano français à l'épreuve des modernités, vous citez Michel Biget, qui nous explique que la virtuosité n'est pas forcément toujours dans ce qui est joué, mais dans le mode d'apparition des pianistes. Elle écrit: l'intervention irruptive du soliste constitue l'aspect le plus spectaculaire de la texture concertante. Alors, ce qu'elle veut dire par là, ça n'est pas seulement l'irruption du soliste physiquement, c'est le moment de la prise de parole. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté dans les concertos, c'est ce moment où l'instrument soliste est assis, silencieux, l'orchestre commence, et c'est ce qu'on appelle ces tutti d'orchestre, ces introductions d'orchestre peuvent être très longues. Pour mémoire, dans les concertos de Chopin, elles avoisinent les 3 minutes. 3 minutes de suspense, en fait, où on voit le soliste, il ne joue pas. Et effectivement, le moment où il prend la parole est souvent, et particulièrement dans les concertos pour piano, est souvent hollywoodienne, si on peut passer l'expression, parce qu'il faut être héroïque, il faut prendre vraiment occuper tout l'espace sonore, et on a une technique au piano qui va tourner en académisme à la fin du 19e, c'est la technique des octaves en octaves, c'est-à-dire qu'on a un seul motif qui est donné de manière fracassante avec les deux mains, chacune écrite à l'octave et jouant chacune en plus à l'octave de l'autre. Donc les concertos par exemple de Grieg ou de Schumann commencent avec, on pourrait appeler ça des cascades d'octaves éruptives, et c'est vrai que souvent ça crée une sensation ultra héroïque de prise de parole. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que très souvent, c'est le cas dans le premier concerto de Chopin aussi, juste après l'entrée du soliste qui est, comme je vous le dis, fracassante, on a ensuite immédiatement un thème beaucoup plus intérieur et beaucoup plus intime, qui souvent est le premier motif important du concerto, la cascade n'étant qu'une manière de prendre la parole. Et vous avez là en fait tout le paradoxe romantique, c'est-à-dire l'universel, le fracassant, et puis le bouleversant du soi, du repli sur soi, de l'intimité. Vous vous êtes arrêté sur un cas en particulier qui est celui du Hérold. Alors, Hérold est un compositeur vraiment intéressant. C'est un élève de Méhul. C'est la première génération des élèves du conservatoire de Paris qui ouvre en 1795 et dont Méhul, pardon, dans Hérold sort vers 1810. Hérold, en fait, va être premier prix de Rome, partir à la Villa Médicis et en fait vite voyager vers Naples où il devient professeur de piano de Caroline Murat, qui est donc reine de Naples et française, c'est une cour française. Et Caroline Murat va lui donner l'occasion d'être entendue en public dans toute la ville et à plusieurs reprises, et il va donc composer des concertos pour piano, comme Mozart l'avait fait en arrivant à Vienne, pour se faire valoir. Or, les concertos d'Hérold sont vraiment des pièces intéressantes parce qu'elles sont à la fois difficiles, très nourries dans la partie de piano, mais elles ne cèdent jamais à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la virtuosité gratuite, et je trouve que les concertos d'Hérold sont peut-être les meilleurs modèle des concertos classiques français ou pré-romantiques français, où le travail d'orchestre, le choix des thèmes est vraiment vraiment bien trouvé, et c'est vraiment du bon travail de composition. À quel point est-ce que Mozart l'influence? À quel point est-ce qu'il le consulte en modèle? Alors Mozart n'est pas joué pour ses concertos avant les années 1815-1820. Donc il ne le connaît pas quand il écrit en 1813 son premier concerto. Il connaît les symphonies de Mozart qu'on joue, certaines. Peut-être quelques concertos qu'il aurait lus parce qu'ils étaient publiés chez Ziber, chez Pleyel à Paris, donc on pouvait les lire. On les a sûrement entendus une ou deux fois, mais de manière très confidentielle. En revanche, je pense qu'il y a une passation qui se fait par des compositeurs, notamment Dussek. Dussek qui est tchèque, mais qui joue les concertos de Mozart, qui voyage dans les pays germaniques et qui vient plusieurs fois à Paris, qui écrit des concertos lui-même, qui sont d'inspiration très mozartienne. Et je pense qu'en fait, cette passation se fait via une génération d'étrangers à Paris qui joue du Mozart, qui connaît Mozart et qui en tout cas écrit dans le style de Mozart. Alors on va écouter un extrait de ce concerto de Herold, le quatrième pour le coup. Pourquoi vous avez choisi celui-là? Parce que c'est le seul qui soit dans une tonalité mineure, mi-mineure, donc on est déjà à l'orée des sombres pensées romantiques. Et voici le premier mouvement. Alexandre Gradwitzky est l'invité de David Christoffel pour l'émission Les Experts sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo.